l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Et ça c'est où là quand même ? Bah écoute. Là. Là. Alors donc Mathéo, tu travailles à Strasbourg dans l'atelier vélo Bretzel, un des plus chouettes ateliers vélo participatifs de France, parce que vous êtes assez original, vous développez plein d'actions. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un atelier vélo participatif? Parce que c'est quand même la base ici à Bretzel. Alors un atelier d'autoréparation participative et solidaire, en fait, c'est un endroit qui est géré par une association dans laquelle tous les membres de cette association ont le droit de venir plusieurs fois pendant l'année à réparer eux-mêmes leur vélo et à apprendre qu'on les réparait, en fait. Ça, c'est l'essentiel. Non, je sais pas. J'ai pas envie de dire des bêtises, j'en ai aucune idée. Donc je vais ouvrir, je vais regarder, je vais demander. Puis Il y a des bénévoles surtout. Il y a aussi deux salariés, en fait, mais il y a surtout des bénévoles qui sont là pour donner des conseils. Quelqu'un de cette bénévole est très très formé, en fait. Quelqu'un d'autre, en fait, a récemment appris à réparer. Mais un endroit d'apprentissage, en fait, où on laisse parfois les personnes se tromper, apprendre à leur rythme et à partir de leur niveau. Il y a qui vient pour réparer des chambres à crever. Il y a qui vient à faire des choses plus importantes, à changer tout l'ensemble de son pédalier, ou même à réviser ou à restaurer son vélo, en fait. Ici, les personnes deviennent autonomes dans la réparation. Ils essayent, en fait, de faire des réparations à un prix plutôt bas, en fait. Après, ce n'est pas donné que cette personne, dans le futur, reste dans des choses pas chères, en fait. Plusieurs personnes qui adhèrent, ils deviennent autonomes, ils commencent à aimer les vélos, en fait, et à y mettre de l'argent, peut-être en abandonnant la voiture, en fait. Et c'est dédié à acheter un très bon vélo, à l'entretenir, à avoir un très beau vélo avec lequel ils peuvent tout faire, y compris faire des grandes vacances, en fait. Un vélo qui peut être effectivement plus cher qu'un vélo de base, mais du coup, ça fait toujours faire de toute façon des économies, en plus d'être bon pour la santé et pour la planète. Oui, oui. Ouais, il est clairement toujours gagnant, le vélo, en fait. Alors donc ici, à Bretzel, on peut venir réparer son vélo dans votre atelier, qui est ouvert presque tous les jours. Hein. On est ouvert 5 jours à la semaine, avec des horaires différents pour accueillir des publics différents, en fait. Ça, c'est vachement bien parce que le jour où voilà, tu as un problème avec ton vélo, tu as toujours les outils à disposition ici dans l'atelier. Donc c'est un super service pour les gens à Strasbourg. Strasbourg, du coup, c'est pas grâce à vous, mais c'est quand même c'est la ville en France où il y a le plus de vélos, le plus de déplacements qui sont à vélo. Toi, est-ce que tu as une petite explication de ça en tant que salarié d'un atelier vélo? Les infrastructures sont plutôt bonnes. Et on part toujours des deux choses, en fait. Et chacun a sa opinion. Il y a qui dit que c'est juste une question d'infrastructure, avoir les pistes cyclables, être dans la plaine aussi, en fait. Ce sont des choses qui clairement favorisent l'utilisation du vélo. Et moi, par exemple, je vais partout avec ma remorque, avec ma fille de 2 ans à l'arrière. Je ne les ferai pas probablement dans certaines villes du sud d'Europe, de où je viens, en fait. Ça favorise. De l'autre côté, il y a des endroits en Europe qui n'ont jamais abandonné l'utilisation du vélo. Je viens d'une autre région qui fait pareil, en fait. Il y a moins d'infrastructures, mais le nord d'Italie est plat et on fait du vélo tout simplement parce que notre grand-mère faisait du vélo, en fait. Et la même chose qu'on trouve à Strasbourg, là, on la trouve de l'autre côté de la rivière, en Allemagne, en fait. L'utilisation, c'est à peu près la même. Après, la discussion pourrait être très longue, en fait, mais moi, je trouve parfois, il y a un moment historique dans lequel les personnes, dans quelques endroits, ils ont abandonné les vélos juste parce que la voiture, c'était les nouveaux. On devait tout faire en voiture, tout faire avec une moto. Quoi. Les vélos semblaient l'alternative des pauvres, en fait. Il y a des endroits où ça ne s'est pas passé, et qui sont intéressants, en fait. Là, en fait, je suis en train de chercher des patins de frein pour mon vélo. Donc c'est un modèle rétro, donc c'est un certain type de patrin qu'il faut que je retrouve. Donc voilà, là on est dans les pièces usagées en fait. On a le choix entre prendre des pièces neuves ou de la récup. Et le vélo maintenant est un outil urbain en fait. Et on trouve dans les villes des personnes qui sont très différentes de ce qui est. Il était il y a 20-30 ans en fait, qui a une culture, qui vivent dans la ville en fait, aiment utiliser le vélo et commencent à faire des choses qui étaient impensables il y a quelques ans. Faire du bricolage, faire du jardinage en fait sont des choses qui sont en train de réapparaître dans les villes parfois. Et clairement, il y a quelqu'un droit qui ne l'a jamais abandonné et qui l'est. Comme je disais, ils sont des endroits sympas où vivre, ou juste à voir en fait. Et après, c'est pas toujours comme ça. Moi, j'ai vécu pendant une petite période de ma vie à Séville. Et Séville, quand j'étais là, il y a 10 ans, 15 ans, il n'y avait aucun vélo en fait. Et je me souviens, nous, on venait du nord d'Italie. Et on était en petite communauté d'Erasmus en fait. Et il y avait pratiquement que nous qui on utilisait les vélos dans la ville. Et après, ça suffit de mettre les pistes cyclables et les cyclistes ils se sont appropriés très rapidement de la nouvelle infrastructure et tout a poussé à partir de presque zéro. Oui, voilà. Donc, ce qui peut expliquer aussi qu'à Strasbourg, il y a plus de vélos, c'est qu'il y a quand même pas mal d'infrastructures, de pistes cyclables, mais des vraies pistes cyclables où les vélos sont bien protégés, pas des faux sens comme on en voit fleurir un peu partout, des sens inverses, comme des doubles sens cyclistes, là où il y a des voitures qui vont dans un sens, on avait juste mis une peinture. Là, non, il y a des vrais aménagements à Strasbourg. Je pense, j'ai pas beaucoup de données en fait, c'est juste une impression. Ça dépend un peu des. Et l'Allemagne est très très sympa pour faire des vélos parce qu'on trouve des aménagements cyclables très simples parfois, mais un peu partout, même dans la forêt, au milieu de la campagne, où on ne se l'atteindrait pas. Du coup, en fait, c'est intéressant pour ça ici, l'atelier vélo Bretzel, parce que tu trouves des pièces détachées que tu ne trouverais pas ailleurs. C'est ça, suivant notre type de vélo, on peut avoir des besoins particuliers, des pièces qui ne sont pas nécessairement encore commercialisées. Et ici, comme il y a des apéros, des montages où ils démontent des vieux vélos, on a quand même de fortes chances de trouver le modèle adapté. Faut juste fouiller, quoi. Et pas avoir peur de se salir les doigts. Tu peux nous parler des différents projets? On va commencer peut-être par les projets autour des enfants, les projets autour des temps scolaires, enfin de la scolarité. Oui, on commence par ça, surtout parce que c'est dans ces domaines que j'ai travaillé le plus, en fait. Et moi, je m'occupe dans les côtés enfants, surtout de la périscolaire, tout simplement. Tout simplement. Ça veut dire qu'à chaque année, je vois à peu près 60 enfants. Différents pour chaque année, et j'ai fait une première initiation d'une dizaine de séances dans les domaines de la mécanique des vélos. Ils ont entre 8 et 11 ans, 8 et 10 ans, on peut dire. Quelquefois, on descend à 6 ans avec quelques difficultés. Et ça reste une activité très jouée, en fait, difficile à gérer parfois parce que des enfants pour un animateur avec tous les outils, c'est pas simple. Mais parfois, on trouve des enfants qui prennent de l'envie et on s'imagine de les revoir. On est en train de toucher une très bonne partie des enfants de quelques quartiers de la ville, en fait. D'accord. On a une relation directe avec la ville, en fait, et après, on est très demandé par les écoles, et on sait qu'on peut un peu choisir où s'adresser. On essaie d'aller dans quelques écoles. Surtout, on essaie de maintenir un rapport avec 2-3 écoles dans les années pour faire un projet qui continue, pour même gérer la logistique un peu mieux, en fait. Alors, il y a un projet sur lequel tu travailles particulièrement, c'est vélo, vis et vidéo. Oui. Alors, c'est un projet qui est parti en 2018, en fait. On fera la deuxième version en 2019. Et moi, j'ai un peu des compétences dans la création des vidéos, en fait. Et on essaye de transmettre à des enfants un peu plus grands, entre 10 et 15 ans, à la fois des compétences de mécanique vélo, aussi des recyclages et réutilisations, et des compétences de création des vidéos. L'idée est que ces groupes d'adolescents dans les centres socioculturels et l'année prochaine dans les écoles essayent de transmettre, d'apprendre très rapidement des petites réparations et surtout essayent de créer un instrument pour les transmettre aux autres, en fait. L'année prochaine, ça va être intéressant parce qu'on les fera dans deux classes et in deux différents endroits de la ville. Et à chaque fois, je verrai 8 enfants de cette classe qui rentrera en communication avec les groupes suivants des 8 autres enfants. Tu fais beaucoup de vélo? Environ tous les jours, en fait, quand il y a mon travail. Environ 50 à 100 km par semaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main? C'est comme ça que ça use les patins, non? C'est ça, c'est une pièce d'usure commune comme sur une voiture, en fait. C'est une pièce où on doit faire attention parce que ça s'use relativement vite. Une des pièces qui se changeait plus vite sur un vélo. D'accord. J'aurais peut-être pas de chance ce soir pour trouver 4 fois le modèle identique, mais j'en ai déjà trouvé 2, c'est pas mal. Ouais, c'est bien fait. C'est un public qu'on ne retrouve pas trop habituellement, les adolescents aux ateliers participatifs d'autoréparation. Alors à Bretzel, on peut dire qu'à Bretzel, normalement, on a des personnes entre 20 et 40 ans comme groupe principal. Après, on a tous les autres. Mais il y a un autre petit projet, en fait, une autre chose que moi et mon collègue ont fait. Et ils sont des stages de mécanique vidéo qui sont adressés à peu près au même public dans l'atelier. Pendant les vacances scolaires, on a des groupes de 6-7 enfants, en fait, qui viennent. Ils font ces stages, ils apprennent pas tout. En 5 jours, on court très intensif de mécanique vélo, en fait, des réutilisations. À la fin, on fait aussi une balade dans les forêts autour de la ville. Et ça s'approprie tellement de l'atelier que la plupart, tous deviennent adhérents, en fait, et la plupart, on les voit revenir, en fait. Même s'ils sont très jeunes, il y a quelqu'un qui devient très rapidement autonome dans les réparations et quelqu'un qui pour lequel il devient un de ses hobbies principaux, en fait. Donc, vous travaillez aussi sur un autre projet, ça s'appelle « Quand tu veux, tu pneus », c'est quoi ça? Oui, ça c'est un projet géré principalement pour les bénévoles de Bretzel, en fait. Il part d'une question. Nous, on voyait qu'on reçoit plusieurs donations, en fait, des vélos pendant l'année et on les met au démontage quand on n'arrive pas à les récupérer, en fait. Et toutes les parties qui ressortent de ce démontage, on arrive à les réutiliser, sauf les pneus usagés, en fait. Les pneus usagés, il reste une déchette ultime, en fait, que nous, on serait même obligés à payer pour la ramener à une déchetterie. Dans ces deux mains, en fait, les associations ont les mêmes traitements que les privés, en fait, les entreprises privées. Parce que donc, ici, à l'atelier vélo, il faut relever quand même, vous avez un rôle écologique parce que vous remettez en état des vélos, donc vous évitez des déchets. Pendant minimum un an, en fait, on a juste ouvert la question en interne pour voir comment on pouvait, qu'est-ce qu'on pouvait faire, en fait, avec cette très haute quantité de pneus morts qui passent par un atelier vélo. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oui, on a trouvé quelque chose. On a trouvé une entreprise allemande qui s'est installée en Alsace et qui fait un travail qui est plutôt difficile à faire, qui est la séparation de tous les composants. À l'intérieur d'un pneu, en fait. Il y a des différents types de caoutchouc, de plastique, de métal, en fait. Il y a toujours des armes métal à l'intérieur. Et ils font cette séparation. Avant trouver ça, la seule alternative qu'on avait trouvée, si on peut dire réutilisation, c'était toujours des différentes façons de brûler les pneus, en fait, de les réutiliser comme énergie et au max de les couper pour faire un autre matériel, en fait. On est présent différemment dans la ville, en fait, mais moi je trouve qu'on profite différemment de la ville, on a plus d'interactions avec les autres, on est moins isolé dans sa voiture, on dépense moins, mine de rien, c'est horrible à dire, hein, mais économiquement, même si ça a un coût d'entretenir un vélo, d'acheter un bon vélo, De se faire voler son vélo à Strasbourg et d'en racheter un autre, eh ben, c'est toujours moins que d'entretenir une voiture. Moi, j'ai quand même une voiture, mais je l'utilise une fois par mois au maximum, quand il y a besoin, pour un week-end. Mais sinon, sinon, les avantages, c'est aussi la flexibilité pour se garer, par exemple. Pas avoir à tourner une heure pour se garer en rentrant chez soi, c'est quand même très confortable. Et en plus, mine de rien, enfin, je sais pas, on est un petit peu concerné par toutes les questions autour de l'environnement et de la qualité de l'air en ville. Bonne soirée. C'est quand même, c'est quand même un avantage de dire qu'au moins on n'y contribue pas, quoi. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him, and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is sur le trépied, il y a ça qui est tombé par terre. Est-ce que ça vient de mon vélo ou du trépied? Peut-être. Là, tu peux t'amuser à découvrir d'où ça vient. De toute façon, ça serait une pièce ici. C'est au niveau du pédalier, c'est le truc que je déteste toucher. Alors, moi, ça me parle plutôt des roues. Et je dirais que c'est pas à toi, en fait. Okay. Parce que normalement, ça va là, en fait. Ça se fixe sous l'axe. Et je regarde si... Non, pour moi, donc c'était maintenant, c'est bon, déjà là. Maintenant, c'est bon, j'ai trouvé une entreprise qui fait du vrai recyclage de pneus, ce qui n'est pas si fréquent. Et alors, justement, en parlant d'entreprise, vous proposez des prestations aux entreprises aussi dans votre atelier à Bretzel? Oui, on propose toute une série de prestations à tous, mais une bonne partie de ces prestations sont demandées par les entreprises. Et on fait surtout ce qu'on appelle un atelier mobile, en fait. On va installer un atelier mobile, portable, en fait, dans une entreprise. Et les salariés de l'entreprise passent quelques heures dans l'après-midi à apprendre à réparer leur vélo, en fait. Et ça, c'est pour favoriser donc le fait que les salariés peuvent après venir travailler à vélo. C'est dans le cadre des plans de mobilité qui sont mis en place par les entreprises? C'est un peu aujourd'hui l'obligation légale des grosses entreprises ou c'est dans un autre cadre? Il y a plusieurs cadres différents. Il y a deux grandes semaines dans lesquelles on travaille beaucoup, en fait, parce qu'il y a une semaine des favorisation de l'utilisation du vélo qui s'appelle « Au boulot à vélo ». Mais en gros, là, on a plusieurs entreprises qui participent. Ils font un challenge, en fait, entre eux, pour voir qui fait plus kilomètres de vélo, plus initiative connectée au vélo. Et on est très, très demandé. Et mis à part donc un atelier mobile d'autoréparation dans les entreprises, vous proposez d'autres types de prestations, de services? Oui, on en fait plein, en fait. On fait des ateliers Zoom pour parler que d'une partie du vélo, c'est-à-dire on fait une formation en novembre pour aider à installer des lumières dynamo plus écologiques, par exemple. Donc ça, c'est des questions de sécurité hyper importantes, oui. Parce qu'il y a beaucoup de vélos qui circulent sans lumière la nuit. Oui, dans les mêmes esprits, en fait, on fait aussi des ateliers dans lesquels on parle des sécurités en général, en fait, des freinages. Et on fait des choses un peu plus avancées que je trouve très intéressantes. Sont surtout la vélonomie, c'est-à-dire on trouve une entreprise très engagée déjà, ou une institution très engagée au niveau du vélo, dans laquelle il y a des personnes qui ont envie de réparer leur vélo dans l'entreprise ou dans l'institution où ils sont. Et nous, on fait des animations dans lesquelles on installe sur place un atelier qui reste sur place. On trouve aussi des personnes à l'intérieur de l'entreprise qui ont envie de s'en occuper, en fait. Et en gros, on aide à créer une chose plus petite que Brest, mais très similaire à l'intérieur de l'entreprise. Ou dans un endroit similaire, en fait. Ça aide énormément parce qu'on peut avoir une entreprise qui a sa flotte de vélos constamment mise à jour sur place. Et alors aller au travail à vélo, il y a des gens qui rechignent un peu en se disant qu'on peut arriver en sueur, des choses comme ça. Toi, ça te paraît une bonne alternative à d'autres modes de déplacement? Alors moi, je viens de Besançon à la base, donc oui, effectivement, quand on se déplace à Besançon avec les côtes, on peut arriver en sueur au travail, mais ici, c'est tout plat, c'est très confortable, il y a beaucoup de pistes cyclables. Tout le réseau n'est pas sécurisé, mais c'est une super alternative. Moi, je me déplaçais avant en voiture, donc c'était la voiture tous les jours de l'année, avec tout ce qu'il y a de confortable et de contraintes. Maintenant que je suis passée au vélo, je ne reviendrai plus à la voiture, en fait. Je me vois plus de nouveau me perdre du temps, de l'énergie et du calme dans les bouchons. Yes. Une et c'est bon. Voilà les quatre patins de frein. C'est bon, les quatre patins de frein. Donc oui, il y a des entreprises qui vont jusqu'à acheter des vélos pour permettre à leurs salariés, dans leur temps de travail, pour des déplacements de travail, de se déplacer à vélo plutôt qu'en voiture. Et notamment dans des centres-villes, ça peut faire gagner beaucoup de temps. Oui, dans les centres des villes, aussi dans l'immédiat, dans la périphérie de Strasbourg aussi, relativement concentrée comme ville. C'est une chose, dans certains endroits, en fait, ça peut changer complètement la mobilité d'une partie de la périphérie de la ville ou de la ville, en fait. On peut commencer à voir une dynamique des groupes qui monte, en fait. Surtout si on arrive à avoir cette chose de la vélonomie, en fait, on arrive à voir tous les salariés qui s'incitent un peu entre eux à l'utilisation du vélo. Je te parle encore d'une chose en relation à ça. C'est la chose la plus avancée qu'on essaye de faire dans une entreprise ou des institutions aussi, et d'installer ce qu'on appelle une mécanobox, c'est-à-dire un borne de service installé par nous, en fait, avec les côtés formation aussi. Un borne sous lequel les salariés, en fait, peuvent installer leur vélo, et il y a des outils aussi accrochés. Et des petites pièces, des petits consommables pour rendre les personnes complètement autonomes dans la réparation. C'est très intéressant, imagine au milieu d'un campus universitaire, par exemple, d'avoir juste un, deux bornes dans lesquelles les personnes ont une totale autonomie, peuvent se mettre à réparer, à réfixer un vélo sans attendre de passer un atelier ou sans attendre la réparation. Ça peut être aussi dans un lieu public, en fait, ou un lieu relativement sécurisé. En gros, c'est un gros borne avec une dizaine d'outils essentiels accrochés, en fait. Donc vous proposez ça, Mécanobox à Bretzel, et c'est quelque chose qui peut être développé un peu partout, finalement, pas que sur la région de Strasbourg. C'est vous qui avez eu l'idée comme ça, ou ça existe déjà ailleurs? Ça existe ailleurs, je vois un peu de ça au Canada et dans la Scandinavie, en fait. Et en France, il y a des expériences, je ne me souviens pas où, mais pas beaucoup, en fait. Pour nous, à côté de l'idée de faire une prestation, de rendre service, mais l'idée est de multiplier notre atelier dans des dizaines d'endroits, en fait. Ça, serait un bon rêve pour nous, en fait. D'accord, une façon finalement de d'essaimer plein de petits ateliers vélo partout en autonomie. Mathéo, on va finir sur la description de toutes les activités que vous avez à l'atelier vélo Bretzel à Strasbourg. Une action très jolie autour du handicap, de permettre aux personnes handicapées de réparer leur vélo. Tu peux nous en parler? Oui, c'est un projet qu'on est en train de monter, en fait. Le projet s'appelle l'atelier Stevie Wonder, en fait, et c'était créé, je peux dire, par initiative aussi d'une autre association. Et une association active dans le domaine de la disabilité visuelle, en fait. Une association qui s'appelle Vous d'Ensemble et qui met ensemble dans des différentes activités des personnes voyantes, non-voyantes et malvoyantes. L'idée est de développer ensemble un parcours de formation partagé par des personnes non-voyantes, voyantes et malvoyantes, et arriver avec des événements ludiques aussi, avec l'organisation des chasses au trésor, finalement arriver à avoir un nucléus des bénévoles qui s'engagent dans notre rêve, en fait, à ouvrir un atelier vélo, autonome, géré par des personnes, pour une grande partie par des personnes malvoyantes ou non-voyantes, en fait. Même la concession de l'atelier, comme il doit être fait, on veut laisser à eux, en fait. Et ça aide beaucoup que les personnes qu'on a trouvées, juste à cet instant, ils sont plus qu'autonomes, en fait. Ils sont des personnes, l'association est en train de faire des projets, pour te dire un de leurs projets. Ils ont organisé une expédition dans l'Himalaya dans laquelle eux, ils vont porter des personnes paraplégiques et montagnes, en fait, comporteurs, en fait. C'est vraiment contre beaucoup de stéréotypes qu'on a, en fait. Moi, j'ai déjà fait un essai, en fait, de faire un atelier d'autoréparation, un atelier mobile avec eux. Je peux dire qu'après des minutes qu'ils tout travaillent, les rôles, ils s'inversent, en fait. Moi, je suis allé, même si on n'essaye pas d'être des formateurs traditionnels, en fait, on retombe très facilement dans l'idée que moi, je suis la personne qui apprend aux autres, les autres, ils sont juste là à m'écouter. Et dans ce cas, 10 minutes après avoir commencé, j'avais appris une façon différente de réparer une chambre à air, en fait. Et après, je peux dire que la question de la voue, petit à petit, devient pas très important, en fait. C'est plus important faire une expérience ensemble, apprendre ensemble. Et pour les restes, il reste une activité des mécaniques, surtout, dans laquelle on parle des mécaniques. On finit juste sur le ramassage de compost, le dernier projet ramassage de compost à vélo. Alors, c'est quoi? Oui, ça, c'est tout nouveau, en fait. C'est dans ce cas, Bretzel a un peu fait la pépinière, en fait. Il y a une start-up à l'intérieur de soi-même, en fait. C'est un bénévole de Bretzel très engagé qui a commencé à mettre en place un service de récupération des biodéchets, en fait, à vélo, dans les centres des villes de Strasbourg, en fait. Et l'idée est que le centre de Strasbourg est un microcosmos très, très dense, très facile à parcourir à vélo, et dans laquelle il y a un potentiel, en fait, pour récupérer plein de matériel pour faire du compostage, et d'une façon différente, en fait. Et clairement, dans un endroit aussi dense, le vélo est très, très compétitif, en fait. Et là, on est vraiment à la première phase, mais Joachim est sérieusement engagé. Et bon, il a fait devenir son travail, en fait. Il est déjà plus un initiative bénévole. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet. We'll be right back.